Le moine et l'oiseau. Dans un cloître vivait un jeune moine très pieux et très studieux, nommé Urbain. La bibliothèque du couvent lui était confiée. Il en gardait avec soin les trésors et lisait beaucoup de bons livres. Il en composait même quelques-uns. Un jour, il s'arrêta à un passage de Saint Paul. Devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour ou comme une veillée nocturne. Il ne pouvait croire à la justesse de cette sentence, et gravement et longtemps il y réfléchit. Comme il se promenait un matin dans le jardin, il aperçut un joli petit oiseau qui tantôt sautillait par terre, tantôt s'élançait sur un arbre et voltigeait de ci, de là, et chantait comme un rossignol. Entraîné par la suavité de cette musique, Urbain suivit le petit oiseau d'abord dans la prairie, ensuite sur la colline, puis dans la forêt, et enfin se décida à retourner vers son couvent. Mais quelle surprise pour lui lorsqu'il le revit! En quelques instants, quel prodigieux changement! Le jardin était agrandi. Le monastère était aussi plus large et, au-dessus de ses épaisses murailles, s'élevait un magnifique clocher. Urbain s'avance, stupéfait d'une si rapide transformation. Il sonne et le portier qui lui ouvre la porte lui est totalement inconnu. Il entre dans le cimetière. Il y voit des tombes qu'il n'a jamais vues et des noms qu'il n'a jamais connus. Les religieux se rassemblent autour de lui. Il les regarde avec étonnement, car il n'en reconnaît pas un. Et tous le regardent de même et se demandent quel est ce vieillard extraordinaire. Il porte le vêtement de leur ordre, mais sa figure a un caractère étrange. De longs cheveux blancs tombent sur son capuchon, et une barbe blanche descend jusqu'à sa ceinture, à laquelle est encore suspendue sa clé de bibliothécaire. On le conduit près de l'abbé, qui lui demande comment il s'appelle, qui il est, d'où il vient. Urbain est tout surpris de cet interrogatoire, et surprend également l'abbé par ses réponses. Enfin, un religieux se rappela avoir remarqué dans une ancienne chronique du monastère un fait singulier auquel se liait le nom d'Urbain. On ouvre cette chronique et on y lit qu'un jour un jeune moine appelé Urbain, qui remplissait les fonctions de bibliothécaire, avait disparu tout à coup et que jamais personne n'avait pu découvrir ce qu'il était devenu. Depuis ce jour-là, 300 ans s'étaient écoulés. Le bon Urbain, qui croyait n'avoir suivi que quelques instants le mélodieux oiseau, était resté 300 ans à l'écouter. Alors il comprit comment les milliers et les milliers d'années s'écoulent devant Dieu comme des minutes dans le cercle sans fin de l'éternité.